s'épanouir, jouir, ivre. Oublier la mort, cette grosse pute faucheuse. Espérer se lever notre aube, apôtre d'une cause divine, digne. Descendant de mon peuple bantou, une belle œuvre. L'enfant d'or se meurt, sa mère, éternel sommeil, éveil de nouveau né, merveille. Le phénix se réveille, rené des cendres, signe, vaillant guerrier de l'ordre. Dans un profond état second, la vie je sais n'est que le reflet d'une face peinte en rose, selon les classes et autres, ânerie humaine. Dire, sans se soucier de regard des autres, je souhaiterais le faire si souvent. Moi pauvre, mortel, anonyme, apôtre, mère, jolie S, princesse, d'une rare beauté. Au pas souffle, ton parfum t'en souffle, du jour de ma naissance, à maintenant mes nives, à travers tes chants, trouve au quotidien un max d'équilibre. J'aimerais tout donner, être pur, effacer tout soi, c'est au flot du tout.